بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله و remercie et on loue Allah subhanahu wa ta'ala qui nous permet de s'asseoir dans une de ses maisons les meilleurs endroits qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé les cercles de science ayyuha al-ikhwa mes chers frères en cette époque c'est quelque chose qui se fait rare les réunions pour Allah subhanahu wa ta'ala pour étudier le livre d'Allah et la sunna du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Les réunions sont nombreuses et il y a dans ces réunions-là aucun bien, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit « La khayra fi kathirim min najwahum »« La khayra fi kathirim min najwahum » Pas de bien dans la plupart de leurs assises, dans la plupart de leurs réunions « Illa man amara bi sadaqatin aw ma'arufin aw islahim bayna nas » Sauf celui qui ordonne une aumône ou bien un bien, ou bien une réconciliation entre les gens. Donc, alhamdoulilah, comme on l'a cité hier, le sujet, inshallah, ça va être des assises concernant la relation entre mari et femme, les notions tournant autour du mariage. Donc, ces assises, ça ne va pas être donc des cercles jurisprudentiels où on va étudier les versets et les hadiths en lien avec le sujet. Mais plutôt ce seront des conseils et qui seront illustrés par les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala et les hadiths du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Mais ça ne va pas être des cercles de jurisprudence comme on étudiait par exemple Umdat al-Fiqh avec les définitions par exemple du mariage dans la langue arabe, puis dans le sens consensuel, etc. Ça ne va pas être dans ce sens-là. Donc alhamdulillah, comme vous savez, le mariage qu'on appelle Az-Zawaj dans la langue arabe, c'est quelque chose d'important dans la vie du musulman. Les savants d'ailleurs ont divergé sur son statut. Certains ont dit que c'était recommandé, d'autres ont dit que c'était wajib, que c'était une obligation. Et ils se sont appuyés sur le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, hadith connu par lequel on illustre souvent nos cercles en lien avec le mariage. Ya ma'ashara al-shabab, ô jeunes, ô vous les jeunes, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. Celui qui parmi vous en a la capacité, qu'il se marie. Donc c'est un ordre impératif du prophète alayhi salatu wassalam qui à la base indique l'obligation. Mais comme on a dit, certains savants ont dit que c'était recommandé. Celui qui en a la capacité parmi vous, qu'il se marie. فَإِنَّهُ أَحْسَنُ لِلْفَرْجِ وَأَرَدُّ لِلْبَصَرِ Car c'est plus protecteur donc pour les parties sexuelles et c'est mieux pour l'abaissement du regard. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ou bien فَمَنْ لَمْ يَجِدْ et celui qui ne peut pas وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ celui qui ne peut pas فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ alors qu'il jeûne فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءَ ce sera pour lui une protection. Donc le mariage, hein, comme on voit dans ce hadith-là, c'est quelque chose qui est recommandé, voire rendu obligatoire par le prophète alayhi salatu wassalam. Et c'est quelque chose qui va aider, hein, c'est une notion qui va aider le musulman à cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc parmi les grandes règles du mariage qui sont innombrables, la première chose qui est extrêmement importante, c'est déjà d'en connaître l'importance. On a vu ça à travers ce hadith-là. Comprendre l'importance que revêt le caractère de s'unir avec une femme ou bien pour une femme de s'unir avec un homme. Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا » وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً Et parmi ces signes, c'est qu'il a créé pour vous des épouses. C'est qu'il a créé pour vous des épouses. Et qu'il a mis entre vous de l'affection, مَوَدَّةً وَرَحْمَةً et de la miséricorde. De l'affection, mais aussi de la miséricorde pour permettre de patienter lorsqu'il y a des difficultés, etc. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ Elles sont, elles, pour vous, un vêtement. Et vous êtes, vous, pour elle, un vêtement. Donc lorsqu'on va s'unir avec une femme, hein, lorsqu'on va se marier, ou bien une femme avec un homme, c'est pour s'entraider dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle va me protéger et je vais la protéger. Elle va m'aider et je vais l'aider dans ce cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. D'où on arrive donc à la chose la plus importante qui est la niyya. La niyya, l'intention dans le mariage. Car le mariage, c'est une œuvre parmi les œuvres par lesquelles on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et hélas, on voit que beaucoup de jeunes sont souvent pressés de se marier et ne mettent pas en place une bonne intention. Et comme on le répète, souvent, les actes pour qu'ils soient acceptés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut qu'ils soient faits sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala et conformément à la législation du prophète alayhi salatu wa salam. Donc al-ikhlas, ça c'est l'intention générale. C'est l'intention générale que l'on retrouve dans toutes les actions. C'est pas celle-ci qu'on veut développer à travers ces modestes paroles, mais plutôt l'intention spécifique au mariage. Pourquoi est-ce que je me marie? Et ça on le trouve dans le premier hadith qu'on a cité du prophète alayhi salatu wa salam. Qu'est-ce qu'il a cité alayhi salatu wa salam comme résultat du mariage? فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ. Ça permet de mieux baisser le regard. وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ. Et aussi ça permet de protéger ses parties. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate An-Nur, قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ. Dit aux croyants d'abaisser leur regard. Qu'est-ce qu'il dit après l'abaissement du regard? وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. Et de protéger leur partie sexuelle. On retrouve les deux objectifs donc visés par le mariage cités dans le hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Donc l'intention avant tout c'est de protéger sa religion. Cette épouse là elle va m'aider à protéger ma religion, à évoluer dans ma religion. Donc ce n'est pas simplement assouvir ses désirs sexuels comme c'est souvent l'intention chez certains, ou bien toute autre chose comme ça peut être les mauvaises intentions que l'on trouve. Choses qui peuvent être greffées à l'intention de base, mais il ne faut pas que ce soit le point de départ. Et d'ailleurs, le prophète alayhi salatu wa salam donc nous dit dans un de ses hadiths, hadith célèbre aussi en lien avec le mariage, il nous cite les quatre raisons principales pour lesquelles les femmes sont demandées en mariage. Il dit alayhi salatu wa salam, tunkahul mar'atu li arba. La femme de manière majoritaire, la femme elle est donc demandée en mariage pour quatre choses. Donc ce hadith-là, il ne veut pas dire qu'il faut demander la femme en mariage pour ces quatre choses. Non. Il nous cite que les gens, lorsqu'ils vont demander la main d'une femme, c'est pour une de ces quatre raisons. Il dit « li maliha » pour son argent, « li jamaliha » pour sa beauté, « li hisabiha » pour sa position sociale, « wa li diniha » et pour sa religion. Après avoir cité ces quatre raisons, donc il nous donne un conseil, alayhi salatu wa salam, et on se rappelle qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a cité à la fin de sourate At-Tawba, harisun alaykum. Donc il est soucieux de votre situation. Bil mu'minina raufur rahim. Et il est avec les croyants affectueux, compassionnel, alayhi salatu wassalam, rahim, plein de miséricorde. Il nous dit ensuite, après avoir cité les quatre causes principales pour lesquelles les femmes sont demandées en mariage, fadfar bidhati din, fadfar bidhati din, taribati adak. Choisis celle qui a la religion et tu auras fait le bon choix. Donc, lorsque je vais demander la main d'une femme, demander une femme en mariage, il faut que, avant tout, ce soit pour sa piété, pour sa religion, pour son niveau de relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Car le meilleur des bienfaits mondains de ce bas monde, c'est la femme pieuse. Comme dit le prophète alayhi salatu wa salam dans le hadith authentique, Ad-dunya mata', ce bas monde est un court plaisir. Et le meilleur des plaisirs donc dans ce bas monde-là, c'est la femme pieuse. La femme pieuse. Donc la femme pieuse, ça va être l'un des biens les plus précieux que je vais posséder dans ce bas monde-là. Donc lorsque on demande une femme en mariage, avant tout c'est pour sa piété. La beauté aussi donc entre en jeu. Le prophète alayhi salatu wa salam donc a préconisé le fait de regarder la femme avant de la demander en mariage. Il est dit que celui qui veut demander une femme en mariage la regarde. Et un compagnon est venu annoncer au prophète alayhi salatu wassalam. Donc il allait se marier avec une certaine femme. Il lui a dit, est-ce que tu l'as regardée? Il lui a dit non. Et c'était une femme parmi les Ansariya, parmi les habitants de Médine. Il a dit, irja' fandor ilayha. Retourne et va la voir, fa inna fi a'yuni al-ansari shay'a, car il y a quelque chose dans les yeux donc des femmes ansarides. Donc il faut regarder quand même la femme avec laquelle on va se marier, et de manière majoritaire, Allahu a'lam, et du moins c'est l'avis qui est préconisé par la plupart des savants contemporains, c'est que ce qui est permis de regarder, c'est le visage et les deux mains. D'autres savants disent ce que la femme a l'habitude de découvrir lorsqu'elle est devant ses maharim, donc la nuque, le visage, les cheveux, les pieds, jusqu'à mi-mollet. Il n'y a pas de problème à ça, mais Allah a'lam, pour sortir d'une porte large, et notamment avec les fitnas que l'on connaît aujourd'hui, les appareils photos, les gens mal intentionnés, il vaut mieux, par sécurité, en rester au visage et au demain, Wallahu ta'ala a'lam. Certains savants ont dit même plus que ce qu'on a cité auparavant, mais on reste sur le premier avis. Donc on va choisir une femme, c'est pour sa religion. Et la religion d'une femme, ça se voit à son rythme de vie, à sa tenue vestimentaire, hein, à l'encontre de ce que disent certains. La tenue vestimentaire, c'est quelque chose qui montre, du moins en apparence, et nous on juge les gens par l'apparence, de la vénération que porte cette femme dans son cœur du vêtement donc qui est légiféré par Allah subhanahu wa ta'ala, le hijab, le jilbab, le khimar. Donc la piété d'une femme, ça va être connu par son rythme de vie, par son aspect extérieur, par sa réputation aussi qu'elle a dans son quartier, dans sa ville. Et lorsque c'est donc une sœur qui est dans un certain endroit, les habitants de cette ville-là sont aptes normalement à nous renseigner sur la piété de la personne. Et il faut demander bien sûr aux gens de confiance, hein, au sujet de la piété de cette femme-là. Et il ne fait pas partie de la riba, de la médisance, que les personnes questionnées nous donnent les défauts de cette femme-là. Et certaines personnes rencontrent des femmes, donc souvent par les réseaux sociaux, par le téléphone, comme cela. Et déjà cette rencontre-là, hein, souvent montre que la femme n'a pas de piété, ou parfois même que l'homme n'a pas de piété puisqu'il utilise ces moyens-là. Une femme déjà qu'on a fréquentée avant le mariage, et ça on le trouve souvent. Une femme qu'on a fréquentée avant le mariage, il faut savoir que c'est une femme qui a lié un lien avec nous dans le haram. Et les gens souvent fréquentent donc la femme avant de se marier avec elle, pour ensuite sacraliser cela par le halal et commencer une vie dans le halal comme il le cite. Toute cette période qui s'est faite avant le mariage, c'est une période qui s'est faite dans le haram. Dans le haram, selon aucune divergence chez les savants. Une femme qu'on a fréquentée, avec qui on a été dans la khalwa, donc sans la vision des gens, avec qui on a marché dans la rue, on allait manger un morceau, boire un coup, etc. Cette femme-là, ce n'est pas une femme avec qui on doit faire sa vie. D'où le conseil que l'on donne toujours aux jeunes lorsqu'ils disent « Je suis en train de fréquenter une sœur et j'ai envie de conclure en me mariant avec elle. » Lâche tout de suite cette sœur-là. Parce que ce n'est pas une sœur avec qui il faut faire sa vie, car elle est déjà dans le haram avec toi. Et comme elle a fait le haram avec toi, même si ce n'est pas allé jusqu'à la fornication, tu ne sais pas la liste de frères qui t'ont déjà précédé, ou parfois ce ne sont même pas des frères, des mécréants. Donc on choisit une sœur qu'on n'a jamais fréquentée. Ça c'est un point important aujourd'hui, hein, sur lequel on appuie. On ne fréquente pas une sœur pour pouvoir se marier après. Certains frères qu'Allah les guide, hein, qui même lorsqu'on leur amène les hadiths et avant les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, mettant en garde contre le fait de fréquenter une sœur, te disent « Oui, mais moi, quand je vais me marier directement comme ça, demander sa main, je ne la connais pas, cette sœur-là. » Il faut savoir que cette union qui se fait avant, donc la sacralisation par l'acte, l'officialisation, on va dire plutôt que sacralisation, par l'acte de mariage, c'est une union qui est dans le haram. Que Shaitan aime ou déteste, que Shaitan aime, qu'Allah aime ou déteste, qu'Allah subhanahu wa ta'ala déteste. Donc Iblis, hein, et ses armées, hein, tous ces soldats Shayatin, est-ce qu'ils cherchent à unir ces deux personnes qui sont dans le haram ou à les séparer? Ils cherchent à les unir, c'est certain. Une fois que ils ont amené l'imam, les témoins, ils ont donné la dot, ils ont fait le halal, comme on appelle ça entre guillemets, al-aqdu shar'i, le contrat de mariage légal. À ce moment-là, Iblis, il change de stratège, il cherche la séparation ou il cherche à faire perdurer l'union. Il cherche à séparer. D'ailleurs, c'est une des œuvres qu'il aime le plus. Comme il est rapporté dans le hadith, Satan possède un trône sur l'eau et il envoie donc ses armées, ses soldats la journée pour faire la perversion et tenter les gens sur la planète, le royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils reviennent en fin de journée et ils prennent le compte rendu. Et il dit à un tel, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, Awqa'tu fulanan fi dhanbi kada wa kada. J'ai fait tomber telle personne dans tel et tel péché. Et il lui dit qu'il n'a rien fait. Puis il appelle un autre, il dit, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, Farraqtu bayna fulan wa ahlihi. J'ai séparé un tel de sa femme. Et là, il le rapproche et le monte, hein, en grade, entre guillemets, il lui fait des éloges. Donc l'une des actions les plus aimées auprès d'Iblis, c'est la séparation du couple. Et cette séparation, Elle est aimée par Iblis que lorsque c'est un couple légal. Mais lorsque c'est dans le haram, c'est quelque chose qui ne le dérange pas, qui d'ailleurs même l'arrange, parce que c'est beaucoup de péché pour ces deux personnes-là. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de gens qui sortent, entre guillemets, ensemble, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans, entre eux c'était le grand amour, etc. Et lorsqu'ils font le halal, au bout d'une semaine, ça explose et ils divorcent. Parce que l'union, hein, qui était pré-mariage, était dans le haram, et l'union post-mariage, qui s'est fait désormais dans le halal, Shaitan à ce moment-là développe tout ce qu'il a en son possible pour les séparer. Donc l'union avant le mariage, que certains essaient de cautionner par le fait de découvrir la future mariée, de connaître ses goûts, de connaître ce qu'elle envisage, comme salam wa rahmatullahi wa barakatuh, etc. Toutes ces choses-là, ce ne sont pas des causes légales qui permettent une union avant le mariage. Donc la personne, il faut être vigilant, éclair, sévère, ferme même sur ces points-là, la personne est dans le haram. La personne est dans le haram. Donc première chose, on choisit la femme pieuse. Et il n'y a pas de mal après. Est-ce que la femme ait de l'argent, ou est-ce que la femme ait une bonne position sociale, et qu'elle soit belle, etc. Tout ça, c'est des critères qui ne sont pas interdits, donc dans notre ensemble de critères qui font de notre choix. Mais le critère qui doit fonder notre choix de manière principale et prioritaire, c'est la religiosité de cette femme-là. C'est la religiosité de cette femme-là. Donc lorsque une femme nous plaît, entre guillemets, et qu'on pense que c'est une femme avec qui on voudrait faire notre vie, comme c'est la marhamatullah, on choisit les chemins légiférés. Les chemins légiférés pour demander cette femme en mariage. Et les chemins légiférés, ils sont légiférés par ce qu'on appelle aslu shar, le fondement même de la législation, donc le Coran et la Sunna, et aussi al-urf, donc la tradition. La tradition, tant que celle-ci ne va pas à l'encontre du Coran et de la Sunna. Donc le Coran et la Sunna, qu'est-ce qu'ils préconisent de manière générale? On avait dit donc qu'il est permis de voir cette femme-là. Comme a dit le prophète alayhi salatu wa salam, que celui qui veut se marier avec une femme la regarde. Et l'histoire du compagnon qui avait voulu demander la main à une femme de Médine, qui voulait se marier avec elle, et le prophète alayhi salatu wa salam lui a ordonné de la regarder. Il y a deux regards qui sont donc légiférés, et ça relève de la darura, plutôt de al-haja, ça relève du besoin, car la base, c'est de revenir au verset de Sourate An-Nur et ordonne aux croyants de baisser leur regard. Donc ça, c'est une obligation. À la base, il est interdit de lever les yeux sur une femme. Mais ici, la sunna apporte la dérogation car il y a un besoin, c'est de voir ce que la femme nous plaira pour plus tard. Donc un premier regard qui se fait dans la rue, comme cela, et c'est un regard général, notamment si c'est une femme qui met le jilbab complet, le niqab, etc., qui va te donner une idée générale sur sa taille, etc. Et après, il y a le regard. Donc, on a dit, les savants ont divergé sur ce qui est légiféré de regarder. C'est un regard que l'on va faire lors de ce qu'on appelle, nous, al-muqabala, aujourd'hui, c'est le terme qui est utilisé, en présence du tuteur. Et on a dit que c'était le visage et les deux mains. Le visage et les deux mains. Donc cette idée générale de la beauté de la femme va nous permettre déjà de faire un choix. Est-ce que, bon, de manière claire, le physique, ça ne me plaît pas de manière absolue. Donc parfois, même la piété, elle peut être d'un degré extrême, mais le physique, il est quand même tranchant sur le choix ou non. Si une femme ne nous plaît pas et qu'elle est répugnante de par son physique, c'est pareil pour le contraire, la sœur pour le frère. Parfois, la piété ne permet pas de couvrir ce rejet, on va dire, naturel relevant du cœur, en raison du physique de la personne. Donc une fois qu'elle nous plaît, il y a donc cette fameuse muqabala qui est à faire. Après, il y a la tradition ici qui intervient, et puis la tradition elle est large, mais moi je vais parler plutôt des maghrébins, car c'est de manière majoritaire les musulmans aujourd'hui en France. La tradition après africaine, comorienne, sénégalaise, malienne, etc., je ne la connais pas. Elle est convertie non plus, je ne sais pas trop comment ça marche. Mais en tout cas, les maghrébins, on a beaucoup de jeunes qui font cavalier seul jusqu'à des stades trop avancés de connaissance de la sœur. Par exemple, il va carrément aller faire la muqabala sans en parler au préalable, soit sa mère, son père ou les deux. Et parfois même, ça va arriver jusqu'au mariage. Alors que législativement parlant, hein, il n'a pas besoin de l'autorisation du tuteur de son père. La mère n'est pas tuteur, mais il n'a pas besoin de l'autorisation de son père, l'homme pubère musulman, pour se marier. C'est la femme qui a besoin de l'autorisation du tuteur. Mais la tradition maghrébine veut ça, que l'on prévienne les parents, et notamment pour qu'ils assistent au mariage. On ne va pas faire un mariage où les parents ne sont pas présents. Mais est-ce que législativement parlant, l'absence des parents annule le mariage? Non. Tu te maries, tu n'as pas dit à ton père, ta mère, ton mariage, il est bon, il est authentique, tu as un livret de famille musulman, tu es marié. Mais ça, c'est le char, il prend en considération l'authentification du mariage. Mais tu es peut-être dans le péché, et même sûrement dans le péché, lorsque tu n'invites pas tes parents, qu'Allah nous préserve de ce mauvais comportement. Donc certains, parfois, ils font cavalier seul, ils mettent de côté les parents, et ils ont déjà fait pas mal d'étapes, et ça, c'est extrêmement dangereux, c'est un mauvais départ. C'est un mauvais départ. Il faut faire très, très attention à garder le cœur de nos parents avec nous, de notre côté, et essayer de limiter, limiter la casse, limiter les scissions possibles entre nos parents et notre femme, ou bien entre nos parents et nous-mêmes. Et beaucoup de frères parfois font fi de cela et ça fait des problèmes. Parfois la première semaine de mariage, c'est déjà la guerre entre eux, entre les deux familles. Donc il faut faire attention à la tradition de nos parents tant que celle-ci ne va pas à l'encontre du dîn d'Allah subhanahu wa ta'ala. Notion qui est importante à prendre en compte, c'est nos parents souvent, ils préconisent une nationalité. Ils préconisent une nationalité. Et nous-mêmes, on a une nationalité. Même si on appartient à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, on a des origines, on est attaché à un pays, on provient d'une certaine terre, si ce n'est pas nous, c'est nos parents. Et ça, les parents, souvent, ils en tiennent compte, souvent par nationalisme. C'est souvent par nationalisme. Il y a beaucoup de parents qui sont encore nationalistes et qui veulent pour leur enfant une fille de la nationalité du leur. Et ça, en réalité, même si parfois ça part du nationalisme, c'est quelque chose que le fils ou bien même la fille doivent prendre en compte. Parce que même si ça part d'une mauvaise chose à la base, je peux concrétiser un mariage avec une femme adéquate en, alhamdoulillah, allant dans le sens des aspirations de mes parents. Donc moi, que ça part d'une mauvaise intention chez mes parents, c'est quelque chose. Mais on sait très bien que leur faire un dar sur le tawhid, l'alliance, le désaveu, que c'est sur l'islam et non pas sur la nationalité, etc. C'est souvent un dialogue de sourds. Et ce sont souvent des parents qui n'ont pas beaucoup de science et qui prennent leur enfant pour, pas encore un homme, mais souvent un enfant, ils ne vont pas écouter les versets, les hadiths, ils vont passer par une oreille et sortir de l'autre. Donc souvent, faire des discours, ce n'est pas le moment. Notamment, on n'est pas encore marié, donc on n'a peut-être pas encore un certain âge, pas un charisme dans la famille, donc c'est souvent inutile. On peut passer par une tierce personne, l'imam, quelqu'un de science et de sagesse, qui va essayer de raisonner nos parents si on a trouvé une femme qui n'est pas de notre nationalité et qui est d'une certaine piété, qui nous plaît, alhamdoulilah, avec qui on voudrait faire notre vie. Ça, c'est une solution. Si ça ne marche pas, et que les parents restent toujours sur cette position, je déconseille fortement de se marier avec la femme, quitte à mettre en colère les parents. Mais plutôt de chercher une femme de cette nationalité-là, avec, alhamdoulilah, une certaine piété, et de réunir la famille. Parce que sinon, ça part sur des guérillas familiales, souvent qui vont durer très longtemps, et rares sont les frères qui arrivent à tenir, sauf en coupant complètement les ponts avec la famille. Surtout si la fille, elle n'a plus la piété qu'on espérait, et qu'elle commence à nous monter la tête contre notre famille, souvent on se retrouve avec des frères qui ne donnent plus de nouvelles, ça fait 10 ans à la maman, au père, et ils se trouveront des versets et des hadiths pour se donner conscience tranquille, mais en réalité, ils sont dans une situation grave. Ça, c'est pour les parents, entre guillemets, on va dire, qui n'ont pas beaucoup de connaissances, pour ne pas les qualifier d'ignorants, et dont le choix et l'interdiction, on va dire, ou la mise en garde de prendre telle fille, est due à un nationalisme. Après, on a des parents qui sont pieux, qui ont de la science, qui ont de la sagesse. Ici, lorsque le père intervient et dit « tu ne te maries pas avec une fille », il est obligatoire de lui obéir, même si elle est pieuse, même si, etc. Et Abdullah ibn Omar a été dans ce cas-là, radiyallahu anhuma, et lui, il s'est d'ailleurs marié avec une femme, Et Omar radiallahu anhu lui a dit de la divorcer. Et Abdullah ibn Omar est allé voir le prophète alayhi salatu wassalam. Il lui a dit que Omar lui ordonnait de divorcer. Et le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit un mot, talliq, divorce. Et Abdullah ibn Omar radiallahu anhu, contrairement à certains de notre époque, a divorcé. Donc, lorsque le père est d'une certaine piété et sagesse et qu'il ordonne le divorce, on divorce pour garder la famille. Pour garder la famille unie et obéir d'abord avant tout à nos parents. Car même marié, on reste le fils de certains parents, et notamment, là, en l'occurrence, le hadith vise le père. Et un père de science et de sagesse jamais ne va dire à son fils, hein, qui a deux, trois enfants ou autre, divorce. Et nous, on sait si notre père, il n'a pas une bonne vision du couple. Mais si le cas lui est montré, et que c'est quelqu'un de science et de sagesse, et en plus d'expérience, car on est son fils, donc ça fait des années que lui est père et pas nous, et qu'il dit divorce, c'est qu'il y a un khair, inshallah, et c'est la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Mais bon, ces pères-là ne courent pas la rue aujourd'hui, on a plutôt le cas contraire, le papa ouvrier, qui est fier d'être algérien, marocain, tunisien, parfois c'est même Rifi, Soussi, Chehoui, etc., hein, qui est un nationaliste effréné, et qui, pour qui c'est hors de question de marier son fils ou sa fille à quelqu'un d'une autre nationalité. Un autre point qui doit nous amener à prendre en compte la nationalité, mais ça, ça vise les frères qui n'ont pas avalé la pilule Islam de France. Pour ceux qui l'ont avalé, c'est une parenthèse qui ne sert à rien, qui même pour eux est stupide, c'est qu'on risque fortement de se faire jeter un jour de ce pays-là. De ce pays-là, des lois risquent de passer un jour qui vont être insoutenables pour un musulman réel. Ça va peut-être être ratifié, des chartes dans lesquelles on se désavoue du jihad, on se désavoue de la polygamie, on se désavoue de la circoncision. Bon, ça va, il y a les juifs dans notre camp, donc la circoncision, ça va prendre plus de temps, de toutes sortes de choses de ce type-là. Et ce qui sera du kufr et de la mécréance et de l'apostasie, bien que les personnes continueront de venir à la mosquée, il y aura des khutbah jumu'ah et ça égorgera le mouton une fois par an, etc. Mais ce seront des apostats, ce ne seront plus des musulmans, à leur insu. Donc, se marier avec une femme de sa nationalité, je reviens sur ce point-là, ça peut être intéressant, important, voire décisif, dans un départ d'urgence. Et ces départs d'urgence ont existé. Il y a eu des conflits, comme on sait, Maroc-Algérie, il y a certaines années. Il y a eu des départs donc, de Marocains d'Algérie, et ils ont laissé leurs femmes. On a beaucoup de couples comme ça, des femmes donc, algériennes qui sont restées en Algérie, et les Marocains sont rentrés au Maroc. Parce qu'à ce moment-là, tu ne peux pas, tu n'as pas le livret de famille, le pays dans lequel tu veux rentrer dans l'urgence, il ne fait pas les papiers à ta femme, tu ne peux plus faire les allers-retours entre ambassades, et à ce moment-là, ce n'est pas possible. Donc on a des frères qui sont polygames en France, quatre femmes normales, et qui pensent un jour faire la hijra. Comment tu vas faire la hijra si tu as quatre femmes ici? Comment tu vas les prendre? Comment tu vas arriver avec quatre femmes, par exemple au Maroc ou je ne sais où, sans livret de famille, sans papier, sans rien? C'est extrêmement difficile. Donc ça, c'est des choses, il faut vraiment y penser. C'est possible, techniquement parlant, moi je ne sais pas, mais en tout cas, il faut y penser. Et c'est sûr que ça facilite que l'Algérien prenne une Algérienne, le Marocain prenne une Marocaine, etc. Car même le Marocain, ou on va dire le Français d'origine marocaine, il est Marocain avant d'être Français, il ne faut pas délirer, et le futur le montrera sûrement. Et d'ailleurs, le jour où ils te diront de partir, tu sauras où tu vas partir, tu ne vas pas partir aux États-Unis ou autre, tu te diras que je vais aller dans la terre de mes parents. Donc ça, c'est un point à prendre en compte. À prendre en compte. Et notamment, on va où en vacances cet été? On a souvent le fameux conflit, bon, allez, il faut faire une année Algérie, une année Maroc, une année Algérie, une année Maroc. Et il suffit qu'une année, tu fasses deux fois Maroc et une fois Algérie, c'est mort, ça part au divorce, ou bien le contraire. Les belles familles, ça fait des grosses bagarres qu'on connaît. Parfois, ça marche très bien, mais c'est bien d'éviter, quand on peut, ce type de conflit. Si tu trouves une femme qui a la même nationalité que toi, alhamdoulilah, qui est pieuse, Allah a'lam, mon expérience personnelle, c'est de prendre la même nationalité. Donc ça, c'est un point important, essayer de garder l'agrément des parents pour le mariage. Il reste combien de temps? 10 minutes. Bon, on a la fameuse tradition des Maghrébins. Lorsqu'on va demander la main d'une femme, on n'y va pas tout seul, hein, comme font certains jeunes. jeune de l'an 2000, il va tout seul et il se marie. Non. On amène le papa, on amène la maman, il rencontre la future belle famille, il s'assoit, ta mère, elle regarde la femme. Après, tu parles avec ta maman quand tu rentres à la maison. Elle te dit où Lydie, parce que ta maman, elle a un œil, c'est une mère. Elle connaît les vices, elle connaît la pudeur d'une femme dans ses débuts. C'est déjà sa part. Déjà, si ça part en conflit, le premier soir, ta future épouse, c'est une femme qui fait fi de ta mère. Ta mère se lève faire la vaisselle, elle lui dit pas Khalti, assieds-toi s'il te plaît, c'est moi qui vais faire la vaisselle. Mets une croix rouge tout de suite, poubelle ce genre de femme. Moi, je suis extrêmement ferme à ce niveau-là. Une femme qui laisse sa belle-mère faire la vaisselle, passer la serpillière, qui se lève pas, qui en gilbeb vautré dans le fauteuil pendant que la belle-mère qui a 60 ans est en train de se taper tâches ménagères, ne fais pas ta vie avec ça, tu vas perdre ton temps. Ça, c'est une femme qui va te fatiguer. Et soit ta mère a vraiment des qualités pour unir ton couple, elle va jamais te dire que ta femme, ce qu'elle fait, ça se fait pas, etc. Mais si jamais elle n'est pas comme ça et que c'est une femme qui, lorsqu'elle veut dire quelque chose, le dit, ça risque de faire de graves problèmes. Donc une femme, quand on parle de piété, c'est pas simplement jilbab niqab gant, lit le Coran, elle connaît des hadiths. C'est aussi les valeurs qui se perdent aujourd'hui sur le sol français. C'est une femme qui a l'inqiyad, la soumission totale et absolue à son mari, sauf dans ce qui va à l'encontre du Coran et la Sunna. C'est une femme, lorsque le mari dit « je ne veux pas que tu passes le permis », elle dit oui. Parce que le permis, ce n'est pas une obligation. Ça ne part pas en divorce. Lorsque le mari dit « je ne veux pas t'aller à la maison », elle dit oui tout de suite. Elle ne bronche pas une journée. Elle dit oui tout de suite, de manière totale et absolue. Lorsque le mari lui dit « je veux que tu mettes ceci », elle le met. Tu enlèves cela, elle le met. Et alhamdoulilah. Et si, en plus, il ajoute la concertation par sagesse, et parce que le prophète, alayhi salatu wasalam, le meilleur des hommes, se concertait avec ses épouses, mais pas dans tout comme certains veulent nous le faire croire, et qu'il était toujours là se concerter avec ses 9 épouses nuit et jour pour la moindre décision, ça c'est pas vrai, mais il se concertait alayhi salatu wasalam, mais ça relève du recommandé, non pas de l'obligatoire. Si en plus le mari fait cela, tant mieux, mais le mode impératif du mari, c'est un mode impératif auquel doit répondre la femme par le oui, de manière totale, sauf lorsqu'il y a désobéissance à Allah et au prophète alayhi salatu wasalam. Bon, ça c'est un peu utopique, aujourd'hui ces femmes ont quasiment disparu du royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala, il en reste quelques-unes, mais faut pas rêver, c'est pas à tous on va trouver ce type d'épouse là, il faut rester réaliste. Donc alhamdoulilah, une femme qui déjà certaines religiosités, qui nous obéit dans la majorité des camps, etc., c'est une femme bien, mais certaines valeurs sont décisives. La femme qui ne respecte pas ma mère par exemple, ça se voit dans les premiers débuts. Une femme qui ne respecte pas ma mère, une femme qui ne respecte pas mon père, une femme qui me monte contre ma famille, ou bien le contraire, un mari qui cherche à couper, car le cours est destiné aux hommes comme aux femmes, le contraire, le mari qui ne respecte pas la belle-mère, le beau-père, qui rentre en adversité avec lui sans qu'il n'y ait de raison, etc. Ça, c'est des couples qui ne dureront pas. Et ça se voit dans les débuts souvent. Souvent dans les débuts, et même dans la muqabala, ça se voit dans la discussion. Une femme dans une muqabala, normalement, lorsqu'un homme vient s'asseoir et qu'elle est en présence de son tuteur, ce n'est pas entre guillemets une tchatcheuse. C'est une femme qui parle peu. C'est une femme qui a du mal à lever les yeux vers l'homme étranger qui est venu s'asseoir aujourd'hui dans le salon ou autre. C'est une femme qui, dans sa manière de s'asseoir, est pudique. Tout cela. Une femme qui parle trop le jour de la muqabala, qui pose 50 conditions, non mais moi je voudrais que, et qui tire vers le dunya ou bien le contraire. Alors que toi, tu tires vers la religion, c'est une femme qui va te fatiguer, tu plaques tout de suite, ne poursuis pas. Et on a souvent ce scénario-là. Le frère qui est en pleine effervescence religieuse, ou bien le contraire, la sœur qui veut vivre à fond le dîn. Et on a les phrases classiques, mais est-ce qu'on pourra faire un petit cinéma de temps en temps, ou comme si le dîn, elle a cette représentation que le dîn, c'est un ensemble de carcans, un ensemble d'interdictions, qu'elle va être enfermée, etc. La femme qui a cette représentation-là, ça c'est quelque chose qu'elle va garder, ça va demander un long souffle et une grande sagesse et une grande maturité, quelque chose qu'a souvent quelqu'un à 35 ans, 40 ans, mais les frères de 20 ans, ils n'ont pas ça en France, au bout de 15 jours, c'est rentre chez toi. Les frères qui divorcent, à cause de ça, ils sont nombreux, parce que ça va être essoufflant, fatigant, et c'est quelque chose qui demande un très grand sang-froid, beaucoup de hilm, beaucoup de sagesse, Et ça, souvent, les jeunes ne l'ont pas. Donc, il faut vraiment mettre le plus de facteurs de son côté. Et ce côté-là, il est important, là. Je veux dire, l'arrogance féministe occidentale. Si tu flaires ça dans ta future femme, tout de suite, ne prends pas en mariage. Ne prends pas en mariage. Moi, j'ai eu des cas concrets, et j'ai dit au frère divorce, et il est revenu, c'est en larmes qu'il me remercie. C'est en larmes qu'il me remercie. Ça, c'est un cas concret. Le frère, il a demandé une sœur en mariage. Ils lui ont dit, il n'y a pas de problème, on fait le halal, mais tu ne la prends pas avant que on fasse le livret de famille. Il a dit, il n'y a pas de problème. Il a mis une condition, ma femme ne travaillera pas et jamais. C'est moi qui travaillera. Sauf si un jour, il est handicapé, malade, il n'y a plus les moyens. La femme, à ce moment-là, elle part d'Arora parce qu'il y a quelque chose de pire qui est envisageable. Elle va se marier, mais dans le sens de la dérogation. D'Arora tubihul mahdorat. Les nécessités permettent les interdictions. Il a fait le halal, il a fait le livret de famille. Après, il est venu prendre un appart. La belle-mère, elle a appelé, elle lui a dit, la femme, ma fille, elle ne sort pas tant qu'elle n'a pas trouvé un travail. Ma fille ne sort pas de la maison tant qu'elle n'a pas trouvé un travail. Il est venu me voir, il s'est concerté. C'était vers mardi comme ça. Moi, je lui ai dit, vendredi, tu laisses un ultimatum. Vendredi, si la fille, elle n'est pas chez toi. Parce qu'elle doit sortir et désobéir à ses parents et sortir de chez elle pour te rejoindre et obéir à son mari et rejoindre le domicile. Vendredi, elle n'était pas là, il a divorcé. Pouf, qu'est-ce qu'il était heureux après. Mais il me remerciait, tu ne peux pas savoir. Parce que là, il partait pour 30 ans de soucis. Là, il partait pour 30 ans de soucis. Si déjà, elle écoute sa mère, alors qu'elle n'est pas encore arrivée à la maison, mais quand tu auras 3-4 enfants, tu es mort, mon frère. Donc, il faut bien faire attention à moi, ce que j'appelle l'arrogance féministe occidentale. Le truc de... Je suis fier et c'est moi qui commande, ou si c'est pas moi qui commande, c'est au moins nous deux. Non, il n'y en a qu'un qui commande à la maison. Et ça, c'est des discours qu'on doit répéter. Et moi, j'en veux aux imams, ils n'en parlent pas. Et le féminisme prend de la place. Et on a des sœurs en jilbab avec des gants, le niqab. Mais elles n'ont pas ce qu'on appelle at-ta'al mutlaqa lizawj, l'obéissance absolue au mari, sauf dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'y a pas ce n'est pas symétrique dans le dîn. Quand on parle de ça, vous parlez souvent de l'obéissance au mari. Oui, mais il n'y a que ça. Après, nous, on va parler du respect du mari envers la femme, bien la vêtir, bien. Mais l'obéissance de l'homme à la femme, ça n'existe pas. C'est un chapitre inexistant en islam. Donc ça, c'est un point qu'il faut regarder, bi'idhnillah. Aussi, dans le choix de la femme, poser ses conditions dès le début. Notamment les conditions qui relèvent du radicalisme aujourd'hui, mais qui en réalité, pour moi, relèvent du bon sens, comme pas de télé à la maison. Quand je veux dire pas de télé, c'est pas l'outil. L'outil télé, qui soit à la maison, c'est pas grave ça. Mais qui est l'antenne française dans la télé, que TF1 jusqu'à je ne sais quelle chaîne, soit dans la maison, ça c'est haram. Ce n'est même pas la peine de chercher un moufti en carton qui va vous dire c'est halal. Ça n'existe pas. Et ça, normalement, c'est quelque chose que l'on doit imposer, même de manière obligatoire, en vérité, lors de la muqabala. Et on dit à la sœur, moi, il n'y aura pas de chaîne française à la maison et pas de chaîne arabe non plus, sauf dérogation de certaines chaînes musulmanes. Et encore, elles ont beaucoup dévié, beaucoup, souvent maintenant, véhiculent une mauvaise aqida. Et ce n'est pas grave. Elle dit non, moi, on s'arrête là. Ce n'est pas grave, il y aura d'autres sœurs, Inch'Allah. Et s'il n'y en a pas, rester célibataire, c'est mieux qu'avec une mauvaise femme. Mais ça, c'est des points qu'il faut évoquer tout de suite. Le permis aussi. Il y a beaucoup de problèmes. Ça, c'est ton choix. Tu veux qu'elle passe le permis qu'elle ne le passe pas, on ne va pas rentrer dans la jurisprudence de ce point-là. Oui, ces points-là, là, il faut les évoquer donc, avant de se marier. Et quitte à les mettre en condition, et c'est des choses qu'on écrit, et Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ya ayyuhalladhina amanu awfu bil uqud » « Ô vous qui avez cru, respectez vos contrats ». Ça, c'est des points concrètement qui aujourd'hui amènent parfois même le couple au divorce. C'est des choses, moi j'ai vu des couples se briser à cause de ça. La sœur qui dit, bon, je vais m'inscrire demain à l'auto-école, Inch'Allah, passer le permis. Le frère, il se tape le front, il dit, tiens, subhanallah, c'est vrai que j'en avais pas parlé. Et elle va trouver des fatwas de certains savants qui vont dire c'est halal, etc. Et ça part après en conflit. Donc ça vaut mieux en parler le premier jour, enfin avant le mariage. De même, la télé. Ces points-là qui sont aujourd'hui qui font partie de la coutume française, de la société française, Certaines sœurs ne s'attendent même pas à ce qu'un mari lui dise « Non, moi, je veux pas que tu passes le permis. » À se dire « Ah ben, si j'avais su, on ne serait pas mariés. » Pour elles, c'est la routine, quoi, c'est normal. Et de même pour la télé. Le jour où on prend l'appartement et elle se dit « Bon, on va acheter quoi comme télé ?» Ou peut-être le mari, hein, parfois, et c'est la sœur qui veut pas. Hein. C'est parce qu'on est entre frères, là, que plus je parle dans le sens frère vers les sœurs. Et elle va se dire « Bon, on va acheter quel modèle ?» Tu vas lui dire « Non, mais moi, je veux pas de télé. » Là, c'est parfois un conflit qui peut aller loin, qui peut aller jusqu'au divorce. Donc ça, il faut l'évoquer. Et d'autres choses aussi, le fait de s'éloigner des parents, ça, il faut en parler aussi. Si elle veut rester à côté de ses parents, il faut qu'elle le pose comme condition. Parce que parfois, il y a des mutations professionnelles, parfois même c'est la hijra. Alors là, carrément, ça divorce parce qu'on ne l'avait pas prévenu qu'il fallait faire la hijra, alors que c'est un wajib shara'i, c'est une obligation. Et à ce moment-là, voilà, on a souvent des couples qui s'effondrent. Donc tout ça, il faut essayer d'y penser. La liste, elle n'est pas exhaustive là. Il y a d'autres points, Inch'Allah, à évoquer. Donc ça, c'est un point, biznillah azza wa jal, qui est important. Et ces différentes conditions, en parler avant le mariage. Peut-être un dernier point, c'est... là, on est déjà dans la célébration du mariage, et qui est souvent conflictuel, hélas, avec la famille, souvent comme la belle famille, sauf cas exceptionnel, c'est justement la célébration du mariage. Est-ce qu'on va mettre de la musique, etc. Bon, on a souvent les mamans et les belles mamans qui attendent cette nuit-là depuis des décennies, hein, pour inviter toutes leurs copines de la région et pouvoir danser, qu'Allah les guide, au rythme des musiques maghrébines ou autres. Et là, souvent, c'est le conflit lorsque la religiosité de l'enfant, du fils, de la fille aussi parfois, alhamdoulilah, est supérieure à celle des parents. Et là, ici, il faut être ferme, parce que là, c'est du haram auquel il nous appelle. Et là, à ce moment-là, il faut être ferme, mais poli, et essayer, alhamdoulilah, de raisonner les parents à la lumière, donc des versets, des hadiths, ce qui n'a souvent pas d'impact, hélas, ou du moins passer par une tierce personne qui est respectée auprès de nos parents, d'un certain âge, d'une certaine sagesse et de science, qui va essayer de discuter avec eux, de leur montrer, Inch'Allah, que pour le bien de leur fils, de leur fille, il faut que ce mariage soit fait selon la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Mais en aucun cas céder. En aucun cas céder. Parce que sinon, ça fait prendre du terrain aux gens qui ont une religiosité moindre. Et s'il y a une génération qui doit, Inch'Allah, combattre cela, c'est bien la nôtre. Il faut prendre du terrain jusqu'à ce que ça disparaisse, bi'idhnillah azza wa jal. Parce que sinon, après, c'est la mixité qui va prendre le dessus. Après, ça sera même l'alcool et Allah alam, où est-ce qu'on va en arriver. Mais bien faire attention, pas briser le cœur de sa maman, parler toujours en les prenant par en dessous, avec sagesse. Il y en a, ils arrivent avec le Qur'an, la sunna, le sabre tranchant du ilm, et ils remettent en place leurs parents comme si c'était... Non, c'est les gens qui t'ont mis au monde, il faut leur parler avec sagesse, avec douceur, abi, ummi, c'est des choses qu'Allah n'aime pas, moi j'ai envie de réussir ma vie, on va faire à manger, on va inviter les gens, on va être joyeux, on va s'amuser, alhamdoulilah, vous pouvez mettre le douf, etc. Mais voilà, plus que ça, plus que le Qur'an et la sunna, on ne peut pas. S'ils ne comprennent pas, ana sarta alik, Allah, à coup de doua, comme vous connaissez là, ça... ça nous fait ni chaud ni froid. C'est des doigts qui ne sont pas acceptés, parce que c'est des doigts qui sont à la base d'un péché. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.